Deuxième partie. Chapitre 1er. Le grand jeu. Le grand vent et le froid, la pluie ou la neige, l'impossibilité où nous étions de mener à bien de longues recherches, nous empêchèrent, Maulne et moi, de reparler du pays perdu avant la fin de l'hiver. Nous ne pouvions rien commencer de sérieux durant ces brèves journées de février, ces jeudis sillonnés de bourrasques, qui finissaient régulièrement vers 5 heures par une morne pluie glacée. Rien ne nous rappelait l'aventure de Maulne, sinon ce fait étrange que depuis l'après-midi de son retour, nous n'avions plus d'amis. Aux récréations, les mêmes jeux qu'autrefois s'organisaient, mais Jasmin ne parlait jamais plus au grand Maulne. Les soirs, aussitôt la classe balayée, la cour se vidait comme au temps où j'étais seule, et je voyais errer mon compagnon du jardin au hangar et de la cour à la salle à manger. Les jeudis matins, chacun de nous installé sur le bureau d'une des deux salles de classe, nous lisions Rousseau et Paul-Louis Courier, que nous avions dénichés dans les placards, entre des méthodes d'anglais et des cahiers de musique finement recopiés. L'après-midi, c'était quelques visites qui nous faisaient fuir l'appartement, et nous regagnions l'école. Nous entendions parfois des groupes de grands élèves qui s'arrêtaient un instant, comme par hasard, devant le grand portail, le heurtaient en jouant à des jeux militaires incompréhensibles, et puis s'en allaient. Cette triste vie se poursuivit jusqu'à la fin de février. Je commençais à croire que Maulne avait tout oublié, lorsqu'une aventure, plus étrange que les autres, vint me prouver que je m'étais trompée et qu'une crise violente se préparait sous la surface morne de cette vie d'hiver. Ce fut justement un jeudi soir, vers la fin du mois, que la première nouvelle du domaine étrange, la première vague de cette aventure dont nous ne reparlions pas, arriva jusqu'à nous. Nous étions en pleine veillée. Mes grands-parents, repartis, restaient seulement avec nous Milly et mon père, qui ne se doutaient nullement de la sourde fâcherie par quoi toute la classe était divisée en 2 clans. À 8 heures, Milly, qui avait ouvert la porte pour jeter dehors les miettes du repas, fit « Ah !» d'une voix si claire que nous nous approchâmes pour regarder. Il y avait sur le seuil une couche de neige. Comme il faisait très sombre, je m'avançai de quelques pas dans la cour pour voir si la couche était profonde. Je sentis des flocons légers qui me glissaient sur la figure et fondaient aussitôt. On me fit rentrer très vite et Milly ferma la porte frileusement. À 9 heures, nous nous disposions à monter nous coucher. Ma mère avait déjà la lampe à la main lorsque nous entendîmes très nettement 2 grands coups lancés à toute volée dans le portail, à l'autre bout de la cour. Elle replaça la lampe sur la table et nous restâmes tous debout, aux aguets, l'oreille tendue. Il ne fallait pas songer à aller voir ce qui se passait. Avant d'avoir traversé seulement la moitié de la cour, la lampe eût été éteinte et le verre brisé. Il y eut un court silence et mon père commençait à dire que c'était sans doute lorsque tout juste sous la fenêtre de la salle à manger, qui donnait, je l'ai dit, sur la route de la gare, un coup de sifflet partit, strident et très prolongé, qui dut s'entendre jusque dans la rue de l'église. Et immédiatement, derrière la fenêtre, à peine voilée par les carreaux, poussée par des gens qui devaient être montés à la force des poignets sur l'appui extérieur, éclatèrent des cris perçants « Amenez-le ! Amenez-le !» À l'autre extrémité du bâtiment, les mêmes cris répondirent. Cela avait dû passer par le champ du père Martin. Il devait être grimpé sur le mur bas qui séparait le champ de notre cour. Puis, vociférés à chaque endroit par 8 ou 10 inconnus, aux voix déguisées, les cris de « Amenez-le !» éclatèrent successivement sur le toit du cellier qu'ils avaient dû atteindre en escaladant un tas de fagots adossés au mur extérieur. Sur un petit mur qui joignait le hangar au portail et dont la crête arrondie permettait de se mettre commodément à cheval. Sur le mur grillé de la route de la gare, où l'on pouvait facilement monter. Enfin, par derrière, dans le jardin, une troupe retardataire arriva qui fit la même sarabande, criant cette fois « à l'abordage ». Et nous entendions l'écho de leurs cris résonner dans les salles de classe vides dont ils avaient ouvert les fenêtres. Nous connaissions si bien, Maulne et moi, les détours et les passages de la grande demeure que nous voyions très nettement comme sur un plan tous les points où ces gens inconnus étaient en train de l'attaquer. À vrai dire, ce fut seulement au tout premier instant que nous eûmes de l'effroi. Le coup de sifflet nous fit penser tous les quatre à une attaque de rôdeurs et de bohémiens. Justement, il y avait depuis une quinzaine sur la place, derrière l'église, un grand malandrin et un jeune garçon à la tête serrée dans des bandages. Il y avait aussi, chez les charrons et les maréchaux, des ouvriers qui n'étaient pas du pays. Mais dès que nous eûmes entendu les assaillants crier, nous fûmes persuadés que nous avions affaire à des gens, et probablement à des jeunes gens, du bourg. Il y avait même certainement des gamins, on reconnaissait leur voix suraiguë, dans la troupe qui se jetait à l'assaut de notre demeure comme à l'abordage d'un navire. « Ah bien, par exemple !» s'écria mon père. Émilie demanda à mi-voix, « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Lorsque soudain les voix du portail et du mur grillés, puis celles de la fenêtre, s'arrêtèrent. Deux coups de sifflet partirent derrière la croisée. Les cris des gens grimpés sur le cellier, comme ceux des assaillants du jardin, décrurent progressivement, puis cessèrent. Nous entendîmes, le long du mur de la salle à manger, le frôlement de toute la troupe qui se retirait en hâte, et dont les pas étaient amortis par la neige. Quelqu'un, évidemment, les dérangeait. À cette heure où tout dormait, ils avaient pensé mener en paix leur assaut contre cette maison isolée, à la sortie du bourg. Mais voici qu'on troublait leur plan de campagne. À peine avions-nous eu le temps de nous ressaisir, car l'attaque avait été soudaine comme un abordage bien conduit, et nous disposions-nous à sortir, que nous entendîmes une voix connue appeler à la petite grille « Monsieur Sorel, Monsieur Sorel !» C'était Monsieur Pasquier, le boucher. Le gros petit homme racla ses sabots sur le seuil, secoua sa courte blouse saupoudrée de neige et entra. Il se donnait l'air finaud et effaré de quelqu'un qui a surpris tout le secret d'une mystérieuse affaire. J'étais dans la cour qui donne sur la place des quatre routes. J'allais fermer les tables des chevreaux. Tout d'un coup, dressé sur la neige, qu'est-ce que je vois ? Deux grands gars qui semblaient faire sentinelle ou guetter quelque chose. Ils étaient vers la croix. Je m'avance, je fais deux pas. Hip, les voilà partis au grand galop du côté de chez vous. Ah, je n'ai pas hésité. J'ai pris mon falot et j'ai dit « Je vais aller raconter ça à Monsieur Sorel ». Et le voilà qui recommence son histoire. J'étais dans la cour, derrière chez moi. Sur ce, on lui offre une liqueur qu'il accepte et on lui demande des détails qu'il est incapable de fournir. Il n'avait rien vu en arrivant à la maison. Toutes les troupes mises en éveil par les deux sentinelles qu'il avait dérangées s'étaient éclipsées aussitôt. C'est-à-dire que ces estafettes pouvaient être... « Ce pourrait bien être des bohémiens, » avançait-il. « Depuis bientôt un mois qu'ils sont sur la place, à attendre le beau temps pour jouer la comédie, ils ne sont pas sans avoir organisé quelques mauvais coups. » Tout cela ne nous avançait guère, et nous restions debout, fort perplexes, tandis que l'homme sirotait la liqueur et de nouveau mimait son histoire. Lorsque Maulne, qui avait écouté jusque-là fort attentivement, prit par terre le falot du boucher et décida « Il faut aller voir. » Il ouvrit la porte et nous le suivîmes, M. Sorel, M. Pasquier et moi. Milly, déjà rassurée, puisque les assaillants étaient partis, et comme tous les gens ordonnés et méticuleux, fort peu curieuse de sa nature, déclara « Allez-y, si vous voulez, mais fermez la porte et prenez la clé. Moi, je vais me coucher. Je laisserai la lampe allumée. »